Chapitre 14e. Mort de Valentin. Quelques jours s'étaient écoulés. Améliane de Glandevesse, pâle, triste, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle parcourait les appartements du palais sans pouvoir trouver le repos. C'est qu'il s'était passé pour elle de tristes et bien étranges choses. Un matin, elle s'était éveillée au bruit des anathèmes que lançait le peuple. Les cris « mort au traître » avaient frappé ses oreilles, et le jour même, en effet, 6 Espagnols avaient été pendus haut et court auprès du portalais. Tout à coup, on ne sait comment, s'était élevée une voix accusatrice contre le commandant de la tour Saint-Paul. Cette voix, on ne savait d'où elle partait, et pourtant elle se changea bientôt en une sourde rumeur qui frappa le gouverneur alarmé. Le chevalier du Puget avait été arrêté. On l'avait soustrait à la fureur du peuple, mais on ne savait en quel lieu on l'avait transféré. Les uns disaient qu'il s'était adroitement enfui pour aller rejoindre le connétable, les autres attestaient qu'il s'était percé de sa propre épée, et tous croyaient à sa félonie. Mais pour la fille du viguier, nul n'était noble et brave comme le malheureux gentilhomme. Ce jour-là, debout devant la fenêtre de son appartement, elle regardait avec effroi les murs grisâtres et muets du palais de justice qui s'élevait au-delà de la rue. Elle pensait à Guillaume, qui pouvait bien y être enfermé, qu'elle n'espérait presque plus revoir, et se demandait avec épouvante si le chevalier qu'on abreuvait d'outrage et de honte, supposant qu'il eût échappé à la mort, aurait assez foi en son amour pour supporter la vie. Que dis-je, son amour? Était-elle libre d'aimer encore? Guillaume n'avait brillé qu'un seul jour, et son oubli d'autrefois s'était changé en ignominie de la veille. Elle était fiancée, sinon au plus digne, du moins au plus glorieux, et le nom de Charles de Mantoue était sur toutes les lèvres. De Mantoue. Ce nom seul la faisait frémir. Pourquoi? Elle n'en savait rien elle-même. Ah, c'est que ses destinées allaient être fixées. Le connétable, honteux d'être retenu si longtemps devant les murs de Marseille, venait par une furieuse attaque de la réduire à l'extrémité. Le canon faisait entendre sa voix formidable, et les boulets, en tombant pesamment sur la ville aux abois, résonnaient comme un glas de mort au fond du cœur de la jeune fille. Elle sentait vaguement que la cité touchait au moment de sa délivrance, et dans son pressentiment, elle pensait, hélas, que son libérateur ne serait point Guillaume. Poursuivie par ses tristes pensées comme par un lugubre fantôme, Améliane eut peur de sa solitude. Un instant même, son imagination troublée crut distinguer des gémissements plaintifs, ceux du chevalier, mêlés au sifflement du vent du nord, qui soulevait les rideaux et les tentures de sa chambre. Effrayée, elle s'élança dans les corridors du palais, et voulant distraire son inquiétude par la bienfaisance, elle porta ses pas vers la salle où de nombreux blessés gisaient sur leur triste couche. Dans cet asile consacré à la souffrance, un homme agonisait sur un lit de douleur. Les yeux éteints, le front dégoûtant d'une sueur glacée, les traits empreints de la livide pâleur du cadavre, la froide mort semblait l'envelopper déjà de son étreinte convulsive. Une femme bouleversée d'angoisse était au chevet du lit de son fils. Qui sondera jamais ce qu'il y a de douleur et d'amour au fond du cœur des mères? Elle suivait avec anxiété les mouvements de l'homme de l'art qui examinait une profonde blessure. La fine lame d'un poignard avait glissé dans les entrailles. Elle avait atteint les organes de la vie. Cette femme, cette mère, c'était Catherine. Le mourant, Valentin. Le père Anselme, qui aidait de quelques-uns de ses religieux, prodiguait aux blessés les secours de la religion, était agenouillé auprès du serviteur de Mantoue et priait à voix basse. À cette vue, Améliane oublie sa trop juste méfiance et s'empresse auprès de l'ennemi de Guillaume. « Valentin, » murmure-t-elle en s'inclinant, semblable à l'ange de la pitié, vers la triste couche. Telle la nature endormie se ranime au bruissement des vents du matin et semble revivre, tel au son de cette voix le moribond semble revenir à la vie. Ses paupières se soulèvent, et son œil d'une terrible fixité s'attache sur la jeune fille. Il veut parler. Ses lèvres s'entrouvent d'abord sans laisser échapper aucune parole, puis, faisant un suprême effort, « Madame, » dit-il d'une voix à peine intelligible, interrompue encore par le râle saccadé qui soulevait sa poitrine, « je meurs. Le ciel est juste. » Il punit le coupable. Réparez mon forfait. Monseigneur de Puget est innocent. Je l'ai volé, accusé, chargé de fer. Sauvez-le. En entendant l'aveu de son fils, Catherine laisse éclater ses sanglots. Elle cache dans ses mains sa tête brûlante et s'appuie sur Améliane. Valentin put la voir encore. À l'instant, les remords et le repentir disparurent. La jalousie reprit le dessus. « Achevé !» s'écria l'amant éploré du chevalier. « Dieu est clément, Valentin. Il vous pardonnera si vous sauvez Guillaume. » Une émanation de l'enfer, une expression satanique contracta le visage du complice de Mantoue et frappa d'horreur les assistants. Le prieur, le sentant défaillir, murmura près de lui quelques mots de pardon et de miséricorde, et leva la main pour l'absoudre. Valentin se retourne avec effort et sa poitrine oppressée laisse échapper un rugissement de rage. Le religieux se penche pour l'exhorter encore. Il était mort. On emporte Catherine d'auprès du cadavre de son fils. Le père Anselme reste seul près de lui pour lui rendre les derniers devoirs.